Bienvenue à ce troisième message sur l'Épître aux Romains. Avant de commencer, j'aimerais vous encourager à suivre les messages, si ce n'est pas déjà fait. Et bientôt, les messages vont être disponibles sur notre site Internet, qui est affiché ici présentement. C'est une question de temps. Également, si vous désirez réentendre les messages, bien sûr, vous pouvez l'avoir sur vidéo, sur les sites que voici, mais vous pouvez l'avoir aussi sur DVD. À votre demande, on pourrait faire ça. Vous pouvez l'avoir sur fichier audio qui va être disponible aussi bientôt. Et autre chose, je suis conscient que l'information qui est communiquée dans ces messages est riche. Il y a beaucoup d'informations, c'est ce que je veux dire. Et je vous encourage à réécouter ou à revisualiser ou à relire l'Épître aux Romains avant le prochain message ou entre les messages afin d'être prêt à recevoir la parole de Dieu. Donc, on va tourner, je disais, à l'Épître aux Romains, versets 1 à 7. Dans ces sept premiers versets, Paul nous donne un résumé de ce qu'il va développer dans les 16 prochains chapitres. C'est comme si Paul prenait une pierre plate et la lançait à la surface de l'eau, et cette pierre rebondit jusqu'à ce qu'elle termine sa course dans le fond de l'eau. Et présentement, dans les sept premiers versets, nous ne sommes qu'à la surface de l'eau. Et pourtant, on peut voir que c'est très riche. C'est merveilleux. Donc, on va lire à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Socrate a dit un jour, « Oh, que quelqu'un se lève et nous montre Dieu! » Et je crois que Socrate a exprimé à ce moment-là la soif qu'il y a dans tout cœur d'être humain. Un théologien l'a exprimé d'une autre façon, peut-être l'avez-vous entendu, « En chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. » L'âme éternelle de l'homme est ainsi faite qu'elle ne trouve pas de repos jusqu'à ce qu'elle trouve son repos en Dieu seul. Et il n'y a pas de meilleure illustration de cette quête de l'homme, de vouloir trouver le repos, de vouloir trouver la paix qu'il ne peut trouver qu'en Dieu seul. Il n'y a pas de meilleure illustration de cette quête que la prolifération, la multiplication des religions dans le monde et à travers l'histoire, à travers l'humanité. Ce n'est pas une question de savoir si l'homme va adorer, mais plutôt une question de savoir qu'est-ce qu'il va adorer. Ce n'est pas une question de savoir s'il va être religieux, mais plutôt comment définit-il sa religion. Parce que l'âme éternelle de l'homme est à la recherche de Dieu. Mais à cause du penchant de sa nature perverse, inévitablement l'homme refuse le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Et il invente des dieux avec son imagination, des dieux faits à son image, tels que nous le voyons dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, un peu plus loin. Et il y a un problème de base avec tout ça, et j'aimerais vous l'imager. Une boîte, un cube si vous préférez. C'est le monde de l'homme. À l'intérieur de cette boîte, il y a l'être humain, l'homme. À l'extérieur de la boîte, c'est le surnaturel, c'est l'éternité, c'est Dieu. À l'intérieur de la boîte, je disais, c'est l'homme. L'homme vit dans un espace-temps et un espace physique. À l'extérieur, c'est l'éternité, c'est le surnaturel, c'est Dieu. L'homme cogne à l'intérieur de sa boîte, de son petit cube, qui n'a pas de fenêtre. Il s'interroge, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Il joue avec son imagination et cherche Dieu. Pas le Dieu de la Bible, parce que personne ne le connaît, celui-là. La Bible nous dit que nul ne cherche Dieu. Mais l'homme désire combler ce vide que seul Dieu peut combler. Mais il lui était impossible d'échapper à sa boîte, à son cube, parce que par définition même, le naturel ne peut pas entrer dans le surnaturel. Ce qui est confiné au temps et à l'espace ne peut pas s'échapper dans l'éternité et l'infini. Et ainsi, l'homme est enfermé dans sa boîte, dans sa petite boîte. Mais il y a quelque chose en lui qui aspire à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a en dehors. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il y a non seulement une multiplication de religions dans le monde, mais aussi une hausse de l'engouement dans les fantasmes de voyage dans l'espace, dans la guerre des étoiles, dans les êtres extraterrestres. Et on voit ça dans nos films, dans les livres, dans toutes sortes de choses. Tous ces éléments-là sont une partie du fantasme de l'homme qui souhaite désespérément sortir de sa boîte. Mais il ne peut pas sortir de cette boîte, de son cube, de son monde par lui-même. Et pourtant, toutes les religions du monde lui disent qu'il peut. Tu n'as qu'à être une bonne personne et tu vas t'évader de ta petite boîte et tu vas découvrir Dieu, dit la religion. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'assurer d'accomplir ces rituels, de répéter ces phrases, de faire ceci, de faire cela, d'avoir une pensée positive, de toutes sortes de choses que la religion demande de faire. Et elle dit, tu vas t'échapper de ta boîte et tu vas rencontrer Dieu, tu vas te joindre à Dieu peut-être. Mais tout cela est un mensonge, parce que l'homme est limité par sa nature même. Aucun de nous ne peut aller dans une cabine téléphonique, se déshabiller et en sortir Superman. Si vous rentrez dans une cabine téléphonique et que vous enlevez vos vêtements, vous allez vous faire arrêter. Ou vous allez vous trouver dans un hôpital psychiatrique. Autant que nous aimerions être capables de faire cela, nous en sommes incapables. Nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et c'est là où est-ce que le christianisme entre en jeu, entre en scène. Le christianisme reconnaît que l'homme est incapable de sortir de sa boîte. Et le christianisme annonce une bonne nouvelle. Dieu a envahi la boîte. L'homme est incapable d'en sortir, c'est Dieu qui est entré dans la boîte. Pour nous dire que nous pouvons vivre avec lui, en sa présence pour toujours. Pour nous parler de ce qu'il y a à l'extérieur de la boîte. Voilà une bonne nouvelle. Voilà une excellente nouvelle de la parole de Dieu que Paul nous annonce ce matin. L'homme est prisonnier, il est captif. Et la fin de sa captivité, c'est la dévastation pour l'éternité, à moins qu'il ne s'échappe de sa boîte. Et c'est la bonne nouvelle du christianisme. L'homme ne pouvait sortir de sa boîte, mais Dieu y est entré. Le naturel ne peut accéder au surnaturel, mais le surnaturel peut descendre jusqu'au naturel. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Et c'est la bonne nouvelle de Dieu que Paul mentionne au chapitre 1. La bonne nouvelle. Dans un monde rempli de mauvaises nouvelles, c'est vraiment extraordinaire que Dieu ait voulu nous annoncer une bonne nouvelle, spécialement quand on pense que nous sommes si indignes de cette nouvelle-là. Et pourtant, Paul répète encore et encore et encore à propos de la bonne nouvelle. Et on a vu, il y a deux semaines, qu'il appelle cette bonne nouvelle « la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux ». La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de la paix, il appelle aussi la bonne nouvelle de votre salut. Et c'est le sujet de l'Épître aux Romains, la bonne nouvelle. Dieu est venu dans la boîte pour nous dire à quoi il ressemble et pour nous dire comment le connaître et comment nous échapper en sa présence dans son royaume éternel. Et cette bonne nouvelle, elle est à propos de qui? Son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu venu dans la boîte. La bonne nouvelle n'est pas à propos de nous. La bonne nouvelle ne pointe pas dans notre direction. Elle ne pointe pas en direction de quelque chose, d'un endroit. Elle pointe en direction d'une personne. Elle pointe en direction de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la bonne nouvelle de Dieu. Tout ce qui est en dehors de lui, de Jésus, est mauvaise nouvelle. Il est la personnalité la plus incroyable de toute l'histoire de l'humanité. Et même les non-croyants reconnaissent cela. Ralph Waldo Emerson, un philosophe et un poète, a dit « Le nom de Jésus fait partie de l'histoire du monde. Le nom de Jésus fait partie de l'histoire du monde. » Socrate a enseigné pendant 40 ans. Platon a enseigné pendant 50 ans. Aristote a enseigné pendant 40 ans. Jésus a enseigné pendant 3 ans. Et pourtant, l'influence des 3 années du ministère de Jésus surpasse de loin les 130 années des 3 plus grands philosophes de toute l'Antiquité. Jésus n'a jamais peint de tableau. Mais quelques-uns des plus beaux tableaux de Raphaël, de Michelangelo, de Da Vinci et de nombreux autres artistes ont trouvé leur inspiration en lui. Jésus n'a jamais écrit de poésie, mais pourtant Dante, Milton et plusieurs grands prophètes du monde ont été inspirés par lui plus que par aucun autre. Jésus n'a jamais écrit de musique, et pourtant Haydn, Handel, Beethoven, Bach, Mendelssohn, une myriade d'autres ont atteint les plus hautes perfections de la mélodie et les sons les plus doux dans leur composition au sujet de Jésus. Jésus a de toute évidence infecté et affecté la société humaine comme aucun autre être humain. L'incomparable Jésus est la bonne nouvelle. L'incomparable Jésus. Et ce qui rend, je disais plus tôt, la bonne nouvelle si merveilleuse, c'est que nous sommes des gens si mauvais et si indignes de lui, comme nous dit Jérémie, chapitre 17, verset 9. Nous ne méritons pas la bonne nouvelle. Et ça fait de cette nouvelle encore une meilleure nouvelle, n'est-ce pas? Que Dieu est tellement gracieux. Nous avons un Dieu tellement gracieux envers nous. Maintenant, Paul va dérouler sa bonne nouvelle dans les 16 prochains chapitres. Mais il ne peut pas se retenir pour pouvoir nous dire tout ce qu'il a à dire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le résumer en 7 versets, les 7 versets qu'on est en train de passer au travers. Les 7 premiers versets, ne sont que les semences de tout ce qui va fleurir dans les 16 autres chapitres. Je suis émerveillé, savez-vous, de voir comment Dieu a choisi en quelques mots pour couvrir tout l'Évangile en quelques phrases, quelques mots pour résumer tous ces chapitres, pour résumer l'Évangile du verset 1 à 7. Et je me suis rappelé qu'en français, il y a les 10 commandements, c'est 346 mots. 346 mots, les 10 commandements qui résument toute la loi morale de Dieu. 346 mots. Dieu a mis en 346 mots sa loi morale. Et vous savez, il le condense encore plus en 2 versets. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et c'est tout. Merveilleux. Quelle précision de notre Dieu. La prière du Seigneur, la prière des disciples, vous vous rappelez, qui résume tous les enseignements de la prière. 82 mots en français, tout dépendant du français qu'on utilise. 82 mots. C'est Dieu. Dieu est comme ça. Dieu peut faire ça. L'homme n'a pas cette capacité. Le génie infini de l'Esprit de Dieu, agissant par l'apôtre Paul, condense l'Évangile en 7 versets et couvre tout que de l'incarnation à la vie chrétienne. Incroyable. Maintenant, regardons ces 7 versets-là, cet Évangile en miniature. Dans ces 7 versets, nous allons simplement regarder une toute petite partie aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on a vu ensemble 3 choses que Paul disait de lui-même. Il dit qu'il est un serviteur de Jésus-Christ. Et le mot qu'il utilise pour serviteur, on a vu que c'était « doulos », mot grec, qui signifie « esclave ». Quelqu'un qui est esclave par choix, par amour, par affection, par volonté. Il est un esclave de Jésus-Christ. Et nous avons vu que le mot « esclave » a 2 sens. Il a le sens d'honneur à cause de qui il sert Jésus-Christ, et l'humilité en raison qu'il n'est que serviteur, justement. Il y a donc cette merveilleuse tension dans la vie de Paul et dans la vie de tous les croyants d'en être exalté, d'être honoré, de servir Jésus-Christ, le roi des rois. Et en même temps, il nous faut garder l'humilité de savoir que nous sommes que des serviteurs de notre roi. Et puis nous avons vu que Paul n'est pas simplement un serviteur. Il nous dit qu'il est un envoyé, il est un apôtre appelé. Il n'a pas choisi de son propre chef, c'est ce que ça veut dire. C'est Dieu qui l'a mis dans le ministère, c'est Christ qui l'a mis dans le ministère. C'était un appel divin. Donc, il est un esclave, il est un envoyé, c'est ce que nous dit le verset 1. Et troisième chose qu'on a vu, c'est qu'il est séparé. Paul a coupé le cordon. Il était littéralement consacré, consumé par sa mission. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23 nous dit « Je fais tout à cause de la bonne nouvelle. Je fais tout à cause de la bonne nouvelle. » C'était toute sa vie. Si ça n'avait pas rapport à cela, il ne le faisait pas. Il n'y avait pas de « à côté ». Donc, je vous disais qu'on allait voir 7... La dernière fois, je vous disais qu'on allait voir 7 aspects de la bonne nouvelle. Le premier aspect qu'on a vu était le prédicateur de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons voir 2 autres aspects. Deuxième étant la promesse de la bonne nouvelle. La promesse, verset 2. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Maintenant, Paul nous dit que la bonne nouvelle n'est pas une coupure avec la continuité. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une nouvelle idée, ce n'est pas un changement dans la stratégie de Dieu, ce n'est pas un changement dans le plan de Dieu, c'est la continuité avec l'Ancien Testament. Et c'est très important de comprendre ça. Vous vous souviendrez que Paul était accusé d'être un anti-juif. Les juifs, les judaïsains, faisait le tour condamnant Paul et condamnant son message, parce qu'il disait de lui qu'il était un anti-juif. Pourquoi? Il disait qu'il parle contre Moïse, il parle contre la loi, il parle contre le peuple, il parle contre le temple. Ils l'ont accusé dans Acte 21 d'introduire des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, dans la zone intérieure du temple, là où il leur était interdit d'entrer. Ils l'ont accusé de renier Moïse. Ils l'ont accusé de nier la circoncision et le maintien de la loi. Il disait qu'il prêche un message révolutionnaire, nouveau, qui n'a aucun lien avec le judaïsme traditionnel. Et c'est alors que Paul va écrire l'Épître aux Romains. Et il va mettre les pendules à l'heure. Verset 2 nous dit, « L'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. La bonne nouvelle de Dieu que je prêche n'est pas une nouvelle bonne nouvelle, c'est une vieille bonne nouvelle, c'est ce qu'il leur dit, qui nous a été annoncée par les promesses des prophètes qui sont écrites où? Dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Les promesses de l'Ancien Testament au sujet du Nouveau Testament, au sujet de l'Évangile, au sujet de la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Il y a au moins 332 prophéties dans l'Ancien Testament qui font référence à Jésus-Christ. dont la plupart ont été remplies lors de la première venue de Jésus-Christ. L'Ancien Testament est chargé de vérités qui ouvrent la porte, qui ouvrent le chemin au Nouveau Testament. Vous savez, Jésus a affronté la même chose que Paul a fait face dans les persécutions. Jésus lui-même a dit que l'élève n'est pas plus grand que son maître. Jésus est accusé d'amener un enseignement nouveau ici, de renier les prophètes et Moïse également. Mais écoutez les paroles de Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ce qu'il nous dit, c'est que je suis venu pour les réaliser. « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Parole de Jésus. Je ne suis pas venu mettre la loi de côté, mais je suis venu l'accomplir. Et je suis venu en finir avec vos traditions d'hommes qui ont perverti la parole de Dieu, qui ont perverti la loi. Donc, la bonne nouvelle était une vieille bonne nouvelle, en quelque sorte. Quand Jésus est arrivé sur la scène, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et le peuple se demandait si c'était révolutionnaire. Et il leur a dit clairement non. C'est juste que votre théologie est aujourd'hui tellement hérétique que vous avez perdu la continuité avec l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 1, verset 1 nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. » Verset 3 nous dit « Et qui, le Fils, et qui, étant le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu, est l'empreinte de sa personne. » Dieu a parlé dans l'Ancien Testament et Dieu a parlé par le Fils dans le Nouveau Testament. Au chapitre 1 de 1 Pierre, dans les versets 8 à 10, il est dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils savaient qu'ils étaient à écrire un avenir qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. » Donc la bonne nouvelle a été promise à travers tout l'Ancien Testament. C'est ce qu'il nous faut bien comprendre. Chaque sacrifice d'un agneau annonçait le sacrifice ultime de Jésus. Chaque prophétie verbale nous parlait de la venue du Messie. Toute la vérité sur la restauration du royaume nous parlait du ministère du Messie, du ministère que Jésus allait accomplir. Et puis, le plus incroyable événement de l'histoire humaine est arrivé, alors que tout arrive au point culminant, tout est accompli. Ils ont tué le Messie. Et ils ont nié la continuité avec l'Ancien Testament. Paul nous dit, l'Évangile est l'Évangile de Dieu. Romains 1, 1. Cet Évangile, c'est l'Évangile du Fils de Dieu. L'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est exactement ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Promis par qui? Verset 2 nous dit, par les prophètes. Et à quoi réfère le mot prophète? C'est important, ça. Il se réfère à tous les écrivains de la Bible, parce qu'il est dit « par les prophètes et les saintes écritures ». L'Évangile a été promis auparavant par les écrivains de l'Ancien Testament. Notez bien, dans les saintes écritures, dans ce livre. Prenons les journaux, prenons le dictionnaire, dans ce livre, les saintes écritures, dans les rouleaux, dans les parchemins. C'est une déclaration très importante, les saintes écritures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils n'ont pas été rédigés par l'homme. Ils n'ont pas été conçus par l'homme. Ils n'ont pas été pensés par un homme. Ils sont saintes. Cela signifie mis à part. Les écritures sont divines, uniques, sanctifiées. Juste les saintes écritures. Les gens disent, pourquoi devrions-nous croire que la Bible est inspirée? Pour une seule raison, la Bible dit qu'elle est sainte. Ce sont les Saintes Écritures, elles nous parlent de l'Évangile. Dans Jean chapitre 5, verset 39, le Seigneur dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Sur la route d'Emmaüs, Jésus parle. Luc chapitre 24, verset 27, c'est écrit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Dans Hébreux chapitre 10, verset 7, « Dans le rouleau du livre, il est question de moi. » L'Ancien Testament est rempli de promesses de la bonne nouvelle, mes amis. De Genèse à l'Apocalypse, chaque page de l'Écriture est un reflet de Christ. Paul dit qu'elle a été promise, cet Évangile, l'Évangile par les prophètes dans les Saintes Écritures. Dans Romains chapitre 7, verset 12, il est dit « La loi donc, elle est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. La vérité de Dieu, elle est pure. » Maintenant, écoutez ceci. De saints hommes de Dieu, dirigés par le Saint-Esprit, ont écrit l'Écriture. Vous avez un Dieu saint, dirigeant de saints hommes par son Esprit saint, pour produire ce que dit Paul, les Saintes Écritures, uniques, pure, l'œuvre de Dieu. Et c'est dans ces Écritures qu'on retrouve notre troisième point, la personne de la bonne nouvelle. Nous avons vu le prédicateur de la bonne nouvelle, qui est Paul, les promesses de l'Ancien Testament, et maintenant la personne de la bonne nouvelle, notre troisième point, versets 3 et 4 de Romains chapitre 1. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ce qui est dit ici au verset 2, c'est que l'évangile de Dieu concernant Jésus-Christ, son fils, voilà la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu est venu dans la boîte, sous la forme de Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, qui signifie « sauveur », Christ, qui signifie « oint »,« choisi », »,« l'élu », et Seigneur, qui signifie « souverain maître ». Nous avons donc Jésus, il est Jésus, le Messie. La bonne nouvelle, c'est Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple, c'est Christ, car il a été oint par Dieu comme roi et prêtre, et il est Seigneur parce qu'il a toujours été Seigneur. Dans Romains chapitre 9, verset 5, Paul dit qu'il est Dieu béni éternellement. Il nous parle de Jésus ici. Dieu béni éternellement. Et puis Paul nous dit aussi que Jésus est au-dessus de toutes choses. Dans Philippiens 2, il nous dit que Jésus est Dieu. Dans Colossiens chapitre 2, il nous dit « La plénitude de la divinité habitait en lui. » Donc, il est le Seigneur Dieu. Il est le Christ loin qui revient pour régner sur la terre. Il est Jésus-Christ qui sauve son peuple de ses péchés. La bonne nouvelle, frères et sœurs, est celle-ci. Dieu est venu dans le monde. Dieu est venu dans notre monde. Un vrai homme, né dans une vraie famille, comme vous et moi avons une vraie famille. Né dans la chair, comme vous et moi avons de la chair. Il est véritablement né d'une vierge, né de Marie. Mais pourquoi devait-il venir en tant qu'homme? Afin qu'il puisse devenir l'un d'entre nous, selon la chair, qu'il puisse avoir cette parfaite humanité, qu'il puisse nous secourir, qu'il puisse sympathiser avec nous, afin qu'il soit tenté en toutes choses, mais sans péché. Et qu'il puisse prendre la place des hommes, qu'il puisse mourir pour des hommes et prendre notre place, qu'il puisse être substitué à l'homme, afin qu'il puisse supporter la colère de Dieu pour l'homme. Il devait être un homme. Mais pas n'importe quel homme. Le verset 2 partout nous dit « de la postérité de David ». Ce n'était pas n'importe quelle famille. C'était la bonne famille royale. La seule famille qui avait le droit de régner. Il était donc la bonne personne et de la bonne famille. S'il n'avait pas été de la lignée de David, il n'aurait pas pu être le Messie. Il aurait été en contradiction avec les prophéties de l'Ancien Testament, en contradiction avec 2 Samuel chapitre 7, avec le psaume 89, avec Ésaïe 11, avec Jérémie 23, avec Jérémie 33, avec Ézéchiel 33, avec Ézéchiel 37. Tous ces passages auraient été contredits s'il n'avait pas été le fils de la famille de David. Il était donc la bonne personne de la bonne famille. C'est lui, c'est Jésus le Messie. Il y a plusieurs reprises à sa naissance dans Luc 1, je crois. Je pense qu'au moins 5 reprises, il est dit « Fils de David, fils de David, fils de David, fils de David, fils de David ». La bonne nouvelle est celle-ci. Dieu est devenu un homme. Et cet homme est pleinement homme et pleinement fils. Qui peut sympathiser avec l'homme, qui peut porter le péché de l'homme, qui peut se substituer à l'homme, qui peut prendre la punition de Dieu sur l'homme. Quelle nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Tacitus, qui a vécu en l'an 114, nous dit que le fondateur de la religion chrétienne, Jésus-Christ, a été mis à mort par Ponce Pilate sous le règne de l'empereur Tibérius. C'est un fait établi que Jésus existait. On ne peut pas nier que Jésus est venu dans le monde, qu'il était un homme. Il faut être aveugle pour dire que Jésus n'a jamais existé. Vous savez que ce que l'historien Joseph ou Josephus nous dit à propos de Jésus. Joseph, l'historien, est décédé avant que Jean écrive l'Apocalypse. Et Joseph dit dans le volume 2, livre 18, chapitre 3, page 3 de l'Antiquité juive, je le cite, « Il y avait à cette époque Jésus, un homme sage, s'il est légitime de l'appeler un homme. » Car il était un faiseur de merveilles, un enseignant des hommes qui recevait la vérité avec plaisir. Il a attiré à lui beaucoup de juifs et beaucoup de païens à la fois. Il était Christ. Et quand Pilate, à la suggestion des principaux hommes parmi nous, l'avait condamné à la croix, ceux qui l'ont aimé depuis le début ne l'abandonnèrent pas, car il leur apparut vivant, ressuscité le troisième jour, tel que les prophètes l'avaient prédit, ainsi que 10 000 autres merveilles, choses à son sujet. Et la tribu des chrétiens, ainsi nommée de lui, n'est pas éteinte à ce jour. » Fin de citation. Pas moyen de nier que Jésus était un homme. Et Jean le dit, lui, de cette façon. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair » est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais c'est celui de l'Antéchrist. Les gens qui veulent nier que Jésus est réellement venu en chair sont de l'Antéchrist. Jésus était un homme. J'ajouterai ceci alors que nous arrivons à la fin. Jésus devait être plus qu'un homme, il devait être Dieu. Car s'il était un homme, le meilleur des hommes, même la bonne personne de la bonne lignée de la famille de David, mais pas Dieu, alors il n'aurait pas pu ressusciter. Il n'aurait pas pu soutenir la punition de Dieu. Il n'aurait pas pu ressusciter des morts. Il n'aurait pas pu surmonter le péché, mais il aurait été vaincu comme tous les hommes le sont. Et ainsi, le verset 4 de l'Épître aux Romains, chapitre 1, nous dit qu'il a été déclaré le Fils de Dieu avec puissance. Et comment cette puissance s'est-elle démontrée? Par l'Esprit de vérité. C'est un autre mot pour nous dire le Saint-Esprit, simplement. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Écoutez, si jamais il y a eu un doute dans l'esprit de quiconque, à savoir si Jésus était le Fils de Dieu. La résurrection, sa résurrection aurait dû faire taire tous les doutes. Il a dû être un homme pour nous atteindre, mais il devait être Dieu aussi pour nous élever. Écoutez, si un gars se présentait pour dire « Je suis le Fils de Dieu » et que c'était un imposteur, pensez-vous que Dieu l'a ressuscité des morts? Bien sûr que non. Si Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'était une preuve que Jésus était le Messie. C'était une preuve que Jésus était la bonne personne. C'était une preuve que ce qu'il disait était vrai. Pensez à ça. La résurrection est une preuve que Jésus, tout ce qu'il a dit, qui il était, c'était vrai. Verset 4 nous dit « Et déclaré Fils de Dieu avec puissance ». On s'arrêtait sur ce verset-là. « Déclaré Fils de Dieu avec puissance ». La clé de cette affirmation-là est le mot « déclarer ». « Déclarer Fils de Dieu avec puissance », « déclarer ». Ce mot pourrait être traduit de plusieurs façons. Mais le mot grec ici, c'est « horizo ». D'où nous, on traduit, on fait le mot « horizon ». Donc « horizo » signifie « horizon ». Et l'horizon, on le sait, c'est la ligne de démarcation, au loin, entre le ciel et la terre. Ce qui divise, si je peux dire, le ciel et la terre, ce qui trace la ligne claire. Et ce que Paul dit ici, c'est qu'il peut y avoir eu des doutes dans l'esprit de certaines personnes quant à savoir si Jésus était le Fils de Dieu quand il regardait à son humanité. Lorsqu'il le regardait en tant qu'un homme, il pouvait douter, dire, est-ce vraiment le Fils de Dieu? Mais la ligne a été tracée avec clarté. Absolue. L'horizon entre le ciel et la terre a été clairement établi par sa résurrection d'entre les morts. Voyez-vous, aussi clairement que l'horizon divise le ciel et la terre, aussi clairement la résurrection divise Jésus de tous les autres êtres humains. Il n'est pas comme les autres. Il est Dieu. Quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'était une preuve irréfutable et un témoignage pour distinguer Jésus, Fils de Dieu, des autres humains de la terre. Aussi clairement que l'horizon divise le ciel et la terre, la résurrection a horizon, c'est une déclaration. C'est clair. Donc, et Jésus, déclaré Fils de Dieu avec puissance. C'est la bonne nouvelle que Dieu est entré dans la boîte, il est devenu un homme. Dieu est entré dans la boîte parce que l'homme ne pouvait pas en sortir. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement qu'il est entré dans la boîte, parce qu'il était un homme, mais parce qu'il est Dieu, il peut en sortir aussi. Il peut nous prendre avec lui pour toujours dans sa présence pour l'éternité. Quelle bonne nouvelle! Et c'est une promesse qu'il nous a faite. C'est une promesse qu'il fait à ses enfants. Écoutez, au 18e siècle, le Congrès américain a publié une édition spéciale de la Bible de Thomas Jefferson. C'était une Bible très simple que Jefferson avait, une Bible comme la vôtre, comme la mienne, tout simplement. Et ce que Jefferson a fait, ce que Thomas Jefferson a fait, c'est qu'il a passé au travers de sa Bible, chapitre par chapitre, verset par verset, pour éliminer toute référence au surnaturel. Et tout ce que Jefferson voulait de sa Bible, c'était les faits historiques à propos de Jésus-Christ. Et les enseignements moraux. Aime ton prochain. Et il a enlevé tout le reste. Tout le reste a disparu. Voici donc la dernière déclaration dans la Bible de Thomas Jefferson, la dernière ligne. Là, ils déposèrent Jésus et roulèrent une grande pierre à l'embouchure du sépulcre et s'en allèrent. C'est la fin de sa Bible. C'est la fin de la Bible de Thomas Jefferson. Mais ce n'est pas la fin de l'Évangile, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin de notre Bible, de la Bible. Dieu merci, la Bible se termine par « Il est ressuscité, il revient pour nous chercher ». Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et ces nouvelles nous viennent de Dieu. Et ces nouvelles concernent son Fils Jésus-Christ. Jésus est venu dans notre monde pour nous faire connaître son Père, pour nous sortir de la boîte et nous amener dans la glorieuse présence de son Père pour l'éternité. Quand je pense au Seigneur Jésus, je pense aux paroles que Paul a prononcées dans ces versets-là à propos de Jésus. Il nous dit « Son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Au verset 4, il nous dit « Le Fils de Dieu, Jésus. » Il utilise tous ces termes pour décrire qui est Jésus. 100% homme et 100% Dieu. Jésus est la bonne nouvelle de Dieu. Amen. On va terminer comme ça en prière. Et juste avant, pendant que vous avez peut-être la tête baissée, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous connaissez Jésus? Connaissez-vous la bonne nouvelle que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont nous sommes? Il a pris notre place en tant qu'homme. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Et il nous a montré, il est entré dans notre boîte, dans notre monde, parce qu'on ne pouvait pas en sortir. Il nous a montré qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur, qu'il y avait Dieu. Il nous a dit que nous pouvions le rejoindre, vivre avec lui pour toujours, pour le servir, pour l'adorer, pour le connaître. Est-ce que tu connais Dieu? Sinon, si la réponse est non, alors je t'invite à lui demander d'entrer dans ta vie. Invite-le à ton tour. Mon Père du ciel, nous te remercions pour cette partie de l'Écriture dans l'Épître aux Romains. Seigneur, nous sommes comblés de ce que tu as fait pour nous. Nous sommes comblés de qui tu es, de ce que tu te révèles petit à petit dans l'Épître. C'est vraiment merveilleux de voir comment tu es gracieux, à quel point tu es gracieux, Seigneur. Surtout lorsqu'on considère qu'on ne mérite rien, Seigneur. Bon Père du ciel, sois loué. Sois loué pour Jésus-Christ. Sois loué parce que ta parole s'accomplit à merveille. Sois loué parce que tes promesses s'accomplissent. Et celle de venir nous chercher bientôt dans ta glorieuse présence va s'accomplir parce que tu nous as dit que tu reviens, que tu vas nous préparer une place, que s'il n'en était pas ainsi, tu nous l'aurais dit. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Et je vous souhaite bonne semaine dans le Seigneur.